Ce fut une divine surprise. Ainsi est apparue après coup l'éruption de mai 68 aux futurs dirigeants de la gauche prolétarienne, ceux qu'on allait appeler les Mao, en raison de leur attachement à la Chine de Mao Zedong, celle de la révolution culturelle dont nous avons parlé la semaine passée. Oui, une divine surprise, car ce qui s'est déroulé au cours de ce printemps échappait à leur construction théorique. C'est si vrai que beaucoup d'entre eux ont failli passer à côté de l'événement et que ces gauchistes ont souvent pris le train en marche et se sont ralliés tardivement à cette révolution de petits bourgeois comme ils la considéraient à ses débuts. Et pourtant, c'est mai 68 dont on vient de célébrer le 40e anniversaire qui va permettre aux Mao d'émerger sur la place publique et d'occuper le terrain politique à la gauche de la gauche pendant plusieurs années. Une curieuse et parfois tragique aventure où la violence l'a disputée au mysticisme, où la fidélité aux principes maoïstes a atteint des sommets d'aveuglement et où une bonne partie de l'intelligentsia française a sombré dans un culte aussi enthousiaste qu'incompréhensible. Toutefois, et c'est toujours une interrogation qui demeure, cette fièvre révolutionnaire n'a pas débouché sur une dérive sanglante comparable à celle des brigades rouges italiennes ou de la fraction armée rouge allemande. Pourquoi ? C'est aussi l'une des questions auxquelles M. X se propose de répondre. En fait, l'histoire des Mao débute bien avant mai 68. C'est dès 1966 qu'un violent vent de Chine commence à souffler sur nos intellectuels. Et c'est donc l'époque là en Chine de la révolution culturelle. Oui, une révolution qui a été mal comprise en Occident et qui a été en tout cas idéalisée à outrance. Bon, je ne veux pas revenir sur nos récents entretiens, mais il faut quand même avoir à l'esprit qu'il s'est d'abord agi d'une conquête du pouvoir, ou plutôt d'une reconquête. Oui, le retour triomphant de Mao Zedong. Oui, hein. Mao statufié, mais mis à l'écart, et qui entend retrouver sa place de numéro un, et provoque la révolution culturelle, quitte à engendrer un fantastique bouleversement et déchaîner une violence inouïe. La révolution dans la révolution, allez-vous dire. Oui, oui, car c'est d'abord le Parti communiste qui est victime de ce cataclysme. Et parfois, Mao lui-même a semblé dépassé par l'ampleur du phénomène. Enfin, restons-en là. En Occident, à part certains observateurs lucides tels Simon Lesse... Lesse qui sera d'ailleurs traîné dans la boue. Hein. Et même accusé d'être un agent de la CIA. Ridicule. Ouais. Ouais, donc à part Lesse et quelques autres, on analyse à tort et à travers la réalité de la révolution culturelle. Mais ça se comprend aisément. Pour nombre de militants sincères de la gauche extrême, l'URSS a déçu et ne semble plus à l'avant-garde de l'idéal communiste. Il y a eu la déstalinisation, la répression en Hongrie, et même la coexistence pacifique qui a scellé une sorte de complicité avec l'impérialisme américain. Ouais, enfin, bref, les soviétiques sont devenus d'affreux révisionnistes. Et hein. Qui n'offrent que l'image d'une société bloquée et figée, parfaitement représentée par le triste et impavide Léonid Brejnev, le numéro un soviétique. Ouais. La patrie du socialisme ne fait plus rêver. Ouais, c'est tout à fait ça. Au contraire, ce qui se passe en Chine soulève l'enthousiasme. À rebours de la glaciation soviétique, la révolution culturelle libère les énergies et semble annoncer une nouvelle démocratie. Les potentats communistes sont mis en cause, les privilèges sont supprimés, et les gardes rouges propagent dans tout pays l'idéal d'un monde nouveau. Et la promesse d'un socialisme à visage humain. Enfin, mais dans le même temps, on oublie le véritable coût de la révolution culturelle. Hein. Les exactions, les massacres, les humiliations et les destructions, mais... Que voulez-vous ? La Chine est loin, très loin. Ouais, donc on ne sait pas. Ou on ne veut pas savoir. Ouais. Enfin, peu importe. Ce qui compte, c'est que la révolution culturelle provoque en Occident, et plus particulièrement en France, un engouement qui ne va cesser d'augmenter, qui va même prendre une dimension quasi religieuse et attirer toute une pléiade d'intellectuels de renom et même de vedettes du showbiz. Alors, voyons ça de plus près. Avant 68, les Mao, appelons-les ainsi, sont présents au sein de deux organisations. Il y a d'abord un parti authentiquement pro-chinois, le Parti communiste marxiste-léniniste. Un parti enfin, orthodoxe, si je puis dire. C'est exact, oui. Enfin, ouais. Ceux-là en sont restés au temps de la création du Parti bolchevique. Et leurs grands hommes sont naturellement Marx, Engels, Lénine, Staline, auxquels ils ont bien sûr ajouté Mao. Ils sont donc résolument opposés à l'URSS. Oui, oui. Et ils entretiennent des liens avec l'ambassade chinoise qui les aide et leur fournit du matériel idéologique. Mais il existe à côté une autre organisation qui va devenir au fil du temps le fer de lance du maoïsme en France. L'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes, l'UJCML. Les jeunes gens qui l'animent, souvent très brillants, sont pratiquement tous regroupés au sein de l'un des établissements les plus prestigieux de notre pays, l'École normale supérieure. C'est là véritablement que se trouve le creuset du maoïsme, sous la férule d'un professeur de philosophie exceptionnel, Louis Althusser. Il fonde une doctrine qui, grosso modo, s'articule autour de quatre axes. D'abord, et c'est sans doute l'aspect le plus important et le plus spectaculaire, la volonté de se conformer au modèle chinois tel qu'il a été exalté par la révolution culturelle. Oui, mais c'est ce qui veut dire concrètement, là... Un effort pour se rapprocher du peuple. C'est ainsi qu'on va voir certains de ces jeunes intellectuels tout abandonner, études et familles comprises, pour aller travailler dans les usines ou les champs. Ouais, c'est ce qu'ils ont appelé l'établissement. En effet, il s'agit alors toujours, pour obéir aux préceptes érigés par Mao Zedong, de lutter contre le clivage entre le travail manuel et le travail intellectuel. Il faut donc multiplier les contacts sur le terrain et apprendre à connaître ces classes populaires dont ils ignorent tout. Enquêter, comme ils disent. Ça ressemble beaucoup à ce qu'ont fait, dès les années 50, les prêtres ouvriers. Hein. Et vous avez raison de faire cette comparaison. Il y a là-dessous une forme d'ascèse, une volonté de se sacrifier. Des curés rouges, au fond. Tout à fait. Mais les établis se sont aussi immergés au sein du monde du travail pour prêcher la bonne parole. C'est-à-dire la révolution. Et d'abord la contestation du système. Je dois tout de suite dire que pour beaucoup d'établis, l'expérience a été difficile, sinon douloureuse. Mais on en reparlera. Deuxième axe, qui résulte donc du premier, le populisme. Pour Mao, comme pour ses jeunes adeptes français, le peuple est naturellement vertueux. Ah oui, donc il a toujours raison. Et toujours en référence au grand timonier. Les Mao pensent qu'il ne faut pas s'appuyer sur le seul prolétariat, mais aussi sur la paysannerie. Troisième axe, le soutien aux pays du tiers-monde. Ce tiers-monde dont la Chine fait encore partie. Cette lutte revêt une grande importance à un moment où la guerre du Vietnam bat son plein. Ce sera d'ailleurs, la guerre du Vietnam, le point de départ de la contestation étudiante aux États-Unis en 1968. Hein. Enfin, et ça va de soi, ces Mao sont farouchement antisoviétiques. C'est-à-dire que pour eux, les démocraties populaires ne sont pas de véritables États socialistes, mais des pays à la limite du fascisme. Et j'imagine que pour le Parti communiste français, ces Mao sont des traîtres. Et des adversaires implacables. Mais la direction du parti ne leur accorde pas beaucoup d'intérêt, car leur représentativité est pratiquement insignifiante. Ces Mao ne sont alors qu'une poignée de militants égarés. Il en ira autrement après 1968. Même si on n'a jamais eu affaire à un mouvement de masse. Alors, arrive mai 68. Les Mao sont non seulement étrangers au déclenchement du mouvement né en mars à la faculté de Nanterre, mais ils y sont sinon hostiles, du moins indifférents. Alors, comment expliquer ça ? Oh, c'est assez simple. Pour les Mao, seul compte la révolution prolétarienne, c'est-à-dire une révolution issue des rangs du prolétariat. Or, ces étudiants qui commencent à manifester dès le début du mois de mai ne leur semblent être que des petits bourgeois anarchistes qui n'ont aucune attache avec ce qui doit être la vraie matrice révolutionnaire, c'est-à-dire le peuple. Ce dédain va même si loin qu'un des chefs les plus brillants de l'UJCML, Robert Linhart, demande aux militants de s'abstenir de participer aux manifestations étudiantes. Ah ouais. Mais quand les ouvriers se joindront au mouvement après le 13 mai... Ça commencera évidemment à changer, à tel point qu'un peu plus tard, les Mao parleront de mai 68 comme d'une sorte de miracle. Un curieux retournement, quand même. Hein. Ah, mais il faut dire que Linhart a alors été éclipsé. En proie à une grave crise psychique, il a été hospitalisé et ne reparaîtra que bien des mois plus tard. Entre-temps, un homme s'est imposé, connu sous son pseudonyme de Pierre Victor. Il s'appelle en réalité Benny Lévy. Ah oui, c'est le futur secrétaire de Jean-Paul Sartre. Et le véritable chef de ce qui va devenir, dès l'automne 1968, la gauche prolétarienne. Alors, en lieu et place de l'UJCML, donc. En fait, c'est un peu plus compliqué que cela. La fin de mai 68 a provoqué un grand remue-ménage chez les pro-chinois. Et puis, disons-le vulgairement, on s'engueule. Et il se crée plusieurs scissions. L'une de ses composantes regroupe un certain nombre d'étudiants de la rue d'Ulm qui sont aussi les animateurs du journal du mouvement, La Cause du Peuple. Ce sont eux qui vont donner naissance à la gauche prolétarienne. Et Benny Lévy en est, là. C'est même le chef, un leader incontestable, doué d'un grand charisme, qui va imposer une discipline de fer. À la gauche prolétarienne, contrairement à d'autres mouvements issus de la même tendance, et là je pense en particulier à Vive la Révolution de Roland Castro, On ne rigole pas tous les jours. Hein. Il n'est plus question de confort ni d'individualisme petit bourgeois. Il faut tout sacrifier à l'organisation et donc à la préparation de la guerre civile, c'est-à-dire la révolution. L'établissement, c'est-à-dire l'embauche des étudiants dans les usines ou à la campagne, est sans doute la caractéristique la plus originale du mouvement Mao. J'extrais ces quelques lignes d'un remarquable livre écrit par Christophe Bourseiller en 1996, « Les Maoïstes, la folle aventure des gardes rouges français ». 20 premiers étudiants sautent le pas avec enthousiasme dès la rentrée de 1967. Parmi eux, un jeune matheux incroyablement brillant, Alfred Vidal-Naquet. Certains établis proviennent de milieux aisés, mais d'autres sont d'origine ouvrière. C'est le cas d'André Cuisinier. Son père s'est saigné aux quatre veines pour lui payer ses études et pour lui permettre d'intégrer l'école normale supérieure de Saint-Cloud. Lorsqu'il apprend que son fils a décidé de se faire embaucher en usine, il vit une véritable tragédie personnelle. Dans l'établissement, le maoïsme atteint peut-être son pinacle, son point de non-retour, son apothéose, car au sein de l'extrême-gauche française, il est le seul courant qui impose à ses adeptes un tel don de soi, une telle abnégation, un tel suicide social, un tel martyr glorieux. On entre ici dans un domaine presque mystique. Les maoïstes vont aller à l'usine pour expier leurs origines sociales, leur culture, leur diplôme, leur ouverture d'esprit. Place à la sueur, à l'abrutissement volontaire, au sacrifice. L'établissement donnera plus tard naissance à une poignée de livres intenses et tragiques qui narrent le cauchemar de jeunes universitaires aux mains ensanglantées, physiquement incapables d'effectuer le travail qui leur est assigné. L'ouvrage de Bourseiller a été réédité cette année en poche dans la collection Point. La rue d'Ulme est donc l'un des points de fixation de l'AGP. Mais géographiquement, un autre lieu va jouer un rôle éminent, Vincennes. L'université. Oui, un établissement expérimental créé par Edgar Faure, le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Vincennes, c'est aussi une sorte de soupape de sécurité où l'on va retrouver l'esprit de mai 68, et la plupart de ses acteurs, professeurs et étudiants. C'est important parce que c'est souvent à Vincennes que naissent de nouvelles complicités au sein de la nébuleuse gauchiste. On va y retrouver d'authentiques intellectuels tels que Foucault, Deleuze ou encore Glucksmann, qui vont avoir l'occasion d'approcher les meneurs de la gauche prolétarienne. Ah oui, et certains d'entre eux vont même adhérer. Hein. Glucksmann, c'est vrai, sera un ardent maoïste. Et il ne sort pas aujourd'hui. Hein. Mais malheureusement, les textes demeurent. Au reste, ce nouveau philosophe, comme on l'a appelé, n'est qu'un exemple parmi des dizaines d'autres. Car ils vont être nombreux, tous ceux qui vont succomber à la fascination, mais on aura l'occasion d'en reparler. La gauche prolétarienne est donc sortie des limbes à l'automne 68. Elle est alors rejointe par deux personnages de premier plan. D'abord Serge Julie. Oui, le futur patron de Libération. Hein. Julie et le gauchisme, c'est déjà une longue histoire. Proche du mouvement du 22 mars, il a collaboré à plusieurs feuilles d'extrême-gauche et sera naturellement l'un des journalistes de la cause du peuple. L'autre, c'est Alain Gesmard. Oui, c'est l'un des leaders de mai 68. Hein. Oui, en tant que dirigeant du syndicat national de l'enseignement supérieur. Mais il démissionne après mai 68 pour ne pas engager son organisation dans une voie que n'approuvent pas tous les adhérents. Julie et Gesmard, quand ils s'engagent dans la gauche prolétarienne, reviennent de Cuba où ils ont passé une partie de l'été. Une façon de se ressourcer, comme on dit aujourd'hui. Oui, si vous voulez. En tout cas, ces deux-là vont jouer un rôle éminent dans le destin de la gauche prolétarienne. Mais c'est toujours Pierre Victor qui demeure le chef. Bien évidemment. Après la disparition prolongée de Linhart, il ne laisse à personne d'autre le soin de diriger sa petite boutique. Il faut d'ailleurs remarquer que la gauche prolétarienne ne brillera jamais par sa pratique démocratique, sa démocratie interne, je veux dire. Expliquez. Au sommet de l'organisation, il y a un comité exécutif. Mais nul ne sait qui a désigné ses membres. Et quand certains partiront, et pas toujours de leur plein gré, ils seront remplacés de façon assez opaque. Comme Pinage ? Pourquoi pas. Il n'est donc pas question d'élection. Non, mais cette direction restera toujours auréolée de mystère. Ce qui n'est pas forcément malhabile. La police, par exemple, tardera à identifier le chef de l'AGP, Pierre Victor Benny-Lévy. Parce que la police s'intéresse très vite à la gauche prolétarienne. Naturellement. Je vous rappelle qu'à la suite des événements de mai 68, un nouveau ministre de l'Intérieur est arrivé, place Beauvau. Oui, c'est Raymond Marcellin. Oui, un homme à poigne qui a fait d'emblée du combat contre les gauchistes sa priorité. Et c'est pourquoi il va mobiliser Hergé et Desté. Hergé, je veux bien, c'est les renseignements généraux, c'est une police politique chargée d'informer le gouvernement, mais... La DST, pourquoi? C'est un service de contre-espionnage. Ce qui ne l'empêchera pas de jouer le rôle que vous savez dans l'affaire des plombiers du Canard Enchaîné. Oui. Passons. Non, si Marcellin lance sur le terrain la DST, c'est qu'il nourrit un fantasme. Mais c'est quoi ça? Il pense, il n'est pas le seul, que l'agitation gauchiste est fomentée par des éléments étrangers. Ce n'est pas très étonnant. Certains hommes politiques de droite ont sérieusement soutenu que mai 68 avait été provoqué par Fidel Castro. C'est absurde. Certes. Mais ça permet à Marcellin d'impliquer la DST dans cette lutte contre la subversion. Et puis n'oubliez pas que ces jeunes gens sont pro-chinois. Ah, alors la Chine pourrait les aider? Théoriquement. Mais les diplomates de Mao sont beaucoup trop prudents pour se mouiller. Alors leur aide sera très ponctuelle et consistera surtout à fournir des brochures et à inviter quelques-uns des Mao, une poignée, à venir à Pékin. Ouais, donc pas grand-chose. Hein. En effet. Mmh. Quoi qu'il en soit, Marcellin prend ce combat au sérieux. Il faut dire que la GP a haussé le ton. Début 1969, Julie et Jesmar publient un livre au titre très explicite, « Vers la guerre civile ». Une seule phrase donne le ton. Je vous cite de mémoire. « Voici le début de la guerre populaire contre les expropriateurs. Le commencement d'une lutte de classe prolongée. » Et ça, alors, dans les hautes sphères du pouvoir gaulliste, ça inquiète. Oui. En même temps, les dirigeants de la gauche prolétarienne peaufinent leur doctrine. Ce qu'ils attendent, c'est la création d'un parti communiste. Un nouveau parti communiste, c'est ça. Ouais. Mais attention, il n'est pas question pour eux de décider de sa création, non. C'est la classe ouvrière qui doit prendre l'initiative. Les militants révolutionnaires ne sont là que pour aiguillonner le peuple, préparer la naissance de ce parti authentiquement marxiste-léniniste inspiré par la révolution chinoise. Ils attendent le messie, au fond. Et c'est pourquoi, non sans ironie, on les appellera les Mao Spontex. Ah oui, Spontex comme spontanéité. Oui, l'expression fera florès. En tout cas, cette démarche est à rebours de l'esprit de mai 68 qui était généralement anti-autoritaire. Oui, même libertaire. Hein. Tout à fait juste. Mais les Mao, eux, prônent une révolution militarisée et ne répugnent pas à utiliser la violence. C'est pourquoi ils ne tarderont pas à se doter d'un bras armé. Mais n'allons pas trop vite. Ah oui. Alors, la violence, les militants de l'AGP l'utilisent au cours d'opérations ponctuelles. Des policiers sont attirés dans des pièges et sérieusement molestés. Ailleurs, ce sont des agents de la RATP qui sont attaqués afin de voler des tickets. Le but étant de permettre aux travailleurs de voyager gratuitement. Ouais. Puis il y aura un peu plus tard, cette opération coup de poing chez Fauchon. Oui, une action symbolique. Les Mao dévalisent cette épicerie de luxe et redistribuent le produit de leur rapine dans quelques bidonvilles de la banlieue parisienne. Ouais, c'est plus Mao, mais remanez-moi. Hein. Vas-y, vous voulez. Parallèlement, la gauche prolétarienne poursuit son implantation dans les usines en créant ce qu'elle appelle des comités ouvriers de base. En s'appuyant sur les étudiants qui se sont établis. Mmh. Et qui sont de plus en plus nombreux. Ça se traduit souvent par de fréquents heurts avec la CGT. Chez Renault, par exemple, la citadelle ouvrière, les CGTistes ne voient pas d'un bon œil cette propagande gauchiste au sein même de leur fief. Oui, ça se passe mal. Et parfois même à coups de barre de fer. En tout cas, incontestablement, la gauche prolétarienne marque des points et son audience progresse. Elle essaie en particulier de rallier à son combat les ouvriers immigrés qui sont très nombreux dans les usines. On estime qu'à la fin 1969, les militants Mao sont au moins 500, un chiffre qui ne cessera d'augmenter. Bientôt, au début des années 70, ils seront des milliers. On note aussi un infléchissement théorique important à l'initiative de Pierre Victor. C'est-à-dire ça. Les Mao n'ont bien sûr pas connu la guerre et l'occupation, mais beaucoup cultivent le mythe de la résistance. Le mythe, c'est pas un mythe, mais une réalité. Ah ouais, hein. Même si on a exagéré à dessein le nombre de résistants, car la France de la libération et surtout de Gaulle avait besoin d'y croire au sortir de la guerre, mais c'est peut-être un autre débat. Ouais. Quoi qu'il en soit, animés par un vrai romantisme révolutionnaire, les Mao s'identifient à ces femmes et hommes courageux qui ont lutté les armes à la main contre l'occupant. Et bientôt, ils vont se faire appeler les nouveaux partisans. Pierre Victor et les siens estiment en effet que la situation de la France est semblable à celle qui prévalait sous l'occupation. Ça me semble tout de même assez simpliste, hein. Non, non. Pour les militants de la gauche prolétarienne, les nouveaux ennemis sont les milices patronales, les policiers qui les traquent et, rangés dans le même sac, les gros bras du Parti communiste français et de la CGT, des communistes qui sont assimilés aux collabos d'autrefois. Autre inflexion capitale. Ces nouveaux partisans décident de soutenir activement la cause palestinienne. Pierre Victor, alias Benny Lévy, va même jusqu'à visiter des camps palestiniens établis en Jordanie. D'accord, mais enfin, concrètement, comment se manifeste ce soutien là ? Un commando de l'AGP attaque l'hôtel particulier du baron de Rothschild. Et le lendemain, une centaine de militants attaquent le siège de sa banque et y met le feu. Ces actions antisionistes sont d'autant plus intéressantes que, parmi les principaux chefs de l'AGP, se trouvent de nombreux juifs. Pierre Victor, hein. Oui, mais cette orientation antisioniste n'aura qu'un temps et sera même à l'origine du déclin de la gauche prolétarienne quand viendra le massacre des athlètes israéliens à Munich. Le romancier Morgan Sportes a récemment écrit un ouvrage très documenté, « Ils ont tué Pierre Auvernet ». Une affaire sur laquelle nous allons revenir avec M. X. Non sans humour, l'écrivain évoque la situation de plus en plus explosive chez Renault à Boulogne-Billancourt. Je le cite. « La place nationale est un fief de la CGT. S'y ouvre en effet une porte de l'usine par où sortent les OP, les ouvriers professionnels, une élite dont le travail est plus qualifié que celui des OS et dont la paye est supérieure. Ils sont syndiqués et peu sensibles à la propagande Mao. Les OS, eux, sortent généralement par la porte Zola. C'est pourtant, place nationale, que les Mao installent un grand panneau où Jean de la maîtrise et Mouchard de la CGT sont mis en cause. On appelle à dénoncer toutes leurs saloperies, afin de les juger. La belle rousse Dominique Grange, guitare en bandoulière, chante les nouveaux partisans, où sont traînés dans la boue les patrons qui exploitent, les flics qui matraquent, les gardes-chiourmes de la classe ouvrière, c'est Larbin qui parle en notre nom au bureau du patron. Ariane Mnouchkine monte sa pantomime, qui vole un pain va en prison, qui vole des millions va au palais Bourbon. Comme des reliques, on vend aux abords de l'usine des badges à l'effigie de Mao, d'Arafat, le petit livre rouge. Place Zola, c'est encore pire, c'est un véritable marché aux puces où on a le choix entre opuscules de Marx ou Lin Piao, cornets de frites et sandwich au merguez. Cette place, raconte Nicolas Boult, était en passe de devenir à la Révolution ce que Lourdes et Fatima sont à l'Église. Face aux provocations de la gauche prolétarienne, Marcelin ne peut pas rester indifférent. Il lance une première offensive en mars 1970. Le journal de l'organisation La Cause du Peuple est saisi, et ses directeurs, Jean-Pierre Ledantec puis Michel Lebris, sont embastillés. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau, car Jean-Paul Sartre se propulse à la direction du journal. Et Jean-Paul Sartre, pratiquement intouchable. Oui, vous vous souvenez sans doute du mot du général de Gaulle. On ne met pas Voltaire en prison. Ouais. Ça n'empêche quand même pas le pouvoir de sévir. La GP est interdite, puis dissoute en Conseil des ministres, et son porte-parole, Alain Gesmard, qui vivait dans la clandestinité, est arrêté à son tour. Mais sous quel motif, alors ? Incitation à la violence et voie de fait contre des agents de la force publique. Une inculpation légitimée par la loi anti-casseurs qui vient d'être votée. Ah oui, une loi qui a été vivement critiquée, si je me souviens bien. Par la gauche. Parce qu'elle permet de mettre en cause des responsables même quand leur présence sur le terrain n'a pas été démontrée. Aussitôt, Pierre Victor prône des actions... Un délit d'intention, quoi. Enfin, ouais. Donc Pierre Victor prône des actions de résistance armée et en appelle à la guérilla urbaine. Il est entendu ? À Paris, relativement. En province, pas du tout. Et encore faut-il dire que ces actions armées sont encore bien modestes. On lance des cocktails Molotov, on attaque un quotidien, mais ça va pas très loin. Et en regard, la répression policière apparaît disproportionnée. Ça permet aux Mao de s'attirer la sympathie d'un nombre grandissant d'intellectuels et de personnalités du spectacle. Leur cause devient à la mode. Ouais. Mais franchement, représente-t-il alors un danger pour le pouvoir ? Pas vraiment. C'est surtout la répression qui leur donne une importance démesurée. Mais c'est bonne guerre, si je puis dire, avant un rendez-vous électoral. Il n'est pas inutile de faire peur aux citoyens. Ah ouais, alors la gauche prolétarienne en tant qu'épouvantail. C'est ça, c'est exactement ce que je voulais dire. Cependant, il est vrai, je voulais laisser entendre plus haut, que les Mao ont quand même créé une branche militaire indépendante du noyau central de l'organisation. Quoi, une organisation par ailleurs dissoute alors cette branche militaire ? Ben, elle est naturellement clandestine et n'entretient de rapport qu'avec Pierre Victor. Son chef s'appelle Olivier Rollin. L'écrivain ? Très bon écrivain d'ailleurs, mais qui à l'époque dont je vous parle n'avait pas encore écrit une ligne, ce qu'il fera plus tard avec Tigre en papier. Mmh, sur son expérience chez les Mao. Ouais, bon ouais. Roman. Hein. Mmh. Alors, dans ce cas, Tigre en papier, bah, c'est un titre très transparent qui montre que Rollin ne se prenait pas vraiment au sérieux. Aujourd'hui, mais il en allait peut-être autrement au moment où il dirigeait la NRP, c'est-à-dire la Nouvelle Résistance Populaire. Ouais, c'est le nom de cette branche armée, c'est ça, ça oui. Ouais. La NRP était alors composée d'une grosse vingtaine de membres et disposée de plusieurs appartements. Dans l'un, on fabriquait des faux papiers, dans un autre, on écoutait les fréquences radio de la police. Et ses objectifs ? Ben, il s'agit pour la NRP de lancer la guerre révolutionnaire et donc de préparer l'insurrection. Un but un peu présomptueux pour une vingtaine de militants ? Assurément, mais ces jeunes hommes y croient. Et dès l'automne 1970, ils mettent sur pied une première action. L'enlèvement d'un député gaulliste, par ailleurs, responsable de la gestion des abattoirs de la Villette. Les abattoirs, et par conséquent, du scandale attaché à cette affaire. Hein. L'opération est donc symbolique. Le député est effectivement enlevé, mais il se débat, attire l'attention et c'est l'échec. Cependant, les gens de la NRP ne sont nullement découragés. Ils sont prêts à récidiver. Toutefois, leurs tentatives d'enlèvement ne seront jamais couronnées de succès, à l'exception d'une seule. Enfin, ça, je vais y revenir, car elle est liée à l'assassinat de Pierre Vernet. Alors, justement, qui ont-ils tenté d'enlever ? Plusieurs personnages de premier plan. Parmi eux, le numéro un de la dynastie de Vindel. Ce qui est pittoresque dans ce cas précis, c'est que le kidnapping raté, encore une fois, a été préparé avec l'aide de son beau-fils, un aristocrate membre de l'AGP établi chez Renault. Mais en dehors de ces tentatives de kidnapping, la NRP a aussi plastiqué le journal Minute, attaqué l'ambassade de Jordanie, assaut au cours duquel un militant a été grièvement blessé. Et puis il y a eu une action qui aurait pu être encore plus grave. Quoi ? Un projet d'assassinat de l'ancien milicien et tortionnaire Paul Touvier, alors qu'il venait tout juste d'être gracié par le président Pompidou. Des membres du commando chargés de l'exécuter ont planqué quelque temps, mais sans doute ont-ils été repérés. À moins, et ça ne m'étonnerait qu'à moitié, que certaines de ces relations dans la police n'aient prévenu Touvier qui en a profité pour se faire la belle et se réfugier dans un de ces monastères où il avait toujours le gîte et le couvert. Mais attendez, si ce sont des policiers qui l'ont averti, ça veut dire qu'ils étaient au courant de la tentative d'enlèvement ou d'assassinat, hein ? Malheureusement, oui. Ouais. Alors, vous voulez dire que la gauche prolétarienne était infiltrée ? Et que la police disposait d'au moins deux taupes qui l'informaient en temps et en heure des actions que sa branche armée préparait. Alors, ces tentatives d'enlèvement ratées ? Ben oui, forcément. Mais si vous le permettez, on verra ça dans un prochain entretien. Auparavant, je vous ai promis de vous parler de la malheureuse affaire Vernet. Pierrot, comme tout le monde l'appelait, n'était pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. C'était un prolo, un vrai, fils d'ouvrier agricole. D'abord ouvrier à la régie Renault, il avait longtemps fricoté avec les Mao, et il faisait même partie de la petite équipe de Dur qu'on retrouvait dans toutes les embrouilles un peu violentes. Ouais. Il était volontaire dès qu'il pouvait y avoir de la bagarre. Encore que vers la fin, il avait tendance à se calmer. Sa copine avait deux enfants dont il s'était amouraché. Bref, il rêvait d'une vie beaucoup plus tranquille. Mais ce garçon fidèle ne pouvait pas résister quand on lui demandait un coup de main. J'ajoutais, c'est très important, que tout le monde l'aimait bien, Pierrot Vernet. Alors, ce 25 février 1972, quand on lui a dit qu'il lui fallait absolument être présent aux portes de la régie ou se préparer un gros coup, et il n'a pas refusé d'en être. Il n'était plus employé par Renault, hein ? Non, non, il avait été licencié quelque temps plus tôt, et il avait trouvé un emploi de chauffeur-livreur. Un mot encore. Ça faisait déjà un moment que les têtes pensantes de la gauche prolétarienne avaient décidé de faire de la régie Renault un enjeu de leur lutte. Pourtant, Renault était une société nationale dont l'actionnaire principal était l'État. C'est vrai. Alors pourquoi Renault et pas une grande entreprise privée comme Peugeot ? Bah, peut-être parce que la citadelle ouvrière, comme on l'appelait, était un symbole. Et puis, ces usines de Boulogne-Billancourt avaient le mérite de se trouver proches de Paris. Quand on a l'habitude de se balader au quartier latin, c'est quand même plus près que Belfort. Bon, bah, pardonnez-moi mon mauvais esprit. Ouais, ouais. Ce qui compte, c'est que les Mao avaient décidé de mettre le paquet sur Renault. D'autant que les révisos, comme ils disaient, y étaient fortement implantés. Ouais, les révisos, c'est-à-dire la CGT. Bien ouais. Sûr. Ouais. Alors oui, ce jour-là, Pierrot y est allé de bon cœur. Et comment n'aurait-il pas réagi ainsi ? Le mouvement était de plus en plus populaire. Un mois avant, on avait vu des stars apporter leur soutien à la cause, à Boulogne-Billancourt même, où deux militants licenciés venaient d'entamer une grève de la faim. La grande Simone Signoret s'était déplacée, et avec elle, Régis Debray, Constantin Costa-Gavras, Chris Marker, et puis il y avait Sartre, qui était toujours là quand il le fallait. Alors, Pierrot Auvernay y est allé tranquillement ce 25 février, mais c'est la mort qui l'attendait. Bien évidemment, M. X poursuit cet entretien la semaine prochaine. À propos de l'infiltration et de la manipulation des groupes Mao par la police, je voudrais terminer par un cri de colère de Pierre Goldman, qui s'en prend vigoureusement au Parti communiste et à un journaliste de l'Humanité, Claude Laribaud, après l'arrestation de trois militants gauchistes. Je cite Goldman et son article dans Libération en 1977. Cette arrestation, est-il insinué, n'est pas fortuite. Il s'agit sans doute d'un coup monté par la police et les trois gauchistes arrêtés en sont probablement complices. D'ailleurs, la police, écrit Laribaud, a les moyens de noyauter, voire de susciter ce genre de groupuscule. Il n'est pas de groupe gauchiste qui ne soit noyauté ou suscité par la police. La police est si renseignée sur les gauchistes qu'elle peut les arrêter comme elle veut, quand elle veut. Et ce n'est pas à un vieux stalinien qu'on fera croire que des instruments objectifs ou subjectifs du ministère de l'Intérieur ont été arrêtés fortuitement par une patrouille naïve de gardiens de la paix. Et Goldman de s'indigner et de s'en prendre aux communistes qui abaissent l'analyse politique au vil niveau de l'investigation policière. Mais leur vision du monde est policière et policière leur dialectique sordide. Comprenez, camarades, les gauchistes seront toujours des agents de la réaction manipulés par la police, quoi qu'ils fassent et quoi qu'ils disent. Alors, tremblez, gauchistes, le stalinisme à visage humain aura pour vous la forme hideuse des régimes policiers, soi-disant socialistes.